Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas, là où on sait se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours excellente ou encore le dog Midas. Si vous voulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88-679-0900. La direction et le personnel du restaurant Midas souhaitent un bon 150e à la population de Saint-Félicien et les invite à participer en grand nombre aux différentes activités. C'était le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, il y aura deux blocs. Dans un premier temps, on va parler avec le directeur général et entraîneur-chef des Sags, Yannick Jean. Et on va faire une pause et par la suite, on va parler avec Serge Aymon du Journal du Quotidien qui va nous parler un petit peu de son appréhension du repêchage. Dans un premier temps, on va parler avec Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, si on parlait de ce repêchage-là, généralement on dit toujours qu'on est satisfait, mais dans l'ensemble, vraiment content du repêchage? Oui, on est content. On avait des besoins particuliers qui étaient criants à remplir. On avait un plan de match. Lorsque la saison s'est terminée, on s'est mis un plan de match sur la table, puis on était capable de le respecter à la lettre. C'est pour ça là, que je suis satisfait. Tant qu'aux joueurs qu'on a repêchés, ben c'est important par rapport à la position. On ne veut plus jamais manquer de défenseurs. Puis on a comblé ce besoin-là. D'un autre côté, ben on va voir leur développement. OK. Si on parlait maintenant de cette transaction-là que tu as faite avec l'Armada de Mainville-Beaubriand, en fait, tu as reculé, tu as inversé le choix de première ronde et pour obtenir un choix de deuxième ronde en échange. C'était-tu vrai? On disait que j'écoutais le repêchage à la télévision, puis on disait que c'était pas. En 10 et 16, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, il n'y avait pas beaucoup de différence entre ces joueurs-là. Est-ce que c'est exact? C'est un peu pour ça aussi, d'ailleurs. Tu avais bon espoir d'aller chercher Alexander Keith Fleming en 16e, c'est pour ça que tu as fait la transaction? Oui, le joueur qu'on prenait 12e et le joueur qu'on prenait 16e, ça s'est avéré le même. OK. Avant de faire le mouvement, je me suis informé un peu partout. Comment on avait comme un mock draft, ouais. On a une prévision qui s'est repêchée où, puis ça a bien tourné pour nous. On était capable de mettre un choix en banque. OK. Si on parlait de ces défenseurs-là, Alexander Cliff Fleming, quel genre de défenseur que c'est? C'est-tu un gros défenseur, un défenseur à gros gabarit, quoi? C'est un gros défenseur qui a une mobilité exceptionnelle pour un gros bonhomme. Okay. Un patin très fluide. Maintenant, ça fait pas longtemps qu'il joue à la défense. Il va avoir besoin de travail pour rapport à jouer, apprendre à bien jouer la position au niveau junior. Mais par contre, là, est bon avec la rondelle, puis est capable là, de faire des bonnes montées avec celle-ci. OK. Parlons tout de suite après Jérémy Groslot. Un défenseur qu'on dit que c'est à peu près c'est le fils de Samuel Groslot qu'on a vu avec les Canadiens un petit peu. 200 points dans la Ligue junior du Québec. Est-ce que c'est un défenseur comparable à son père? Un peu du même style? Non, c'est pas un défenseur aussi bon offensivement. C'est un défenseur là qui est efficace dans les deux sens de la patinoire. Il y a une progression fulgurante. Il jouait dans une ligue scolaire l'an dernier. Okay. Depuis Noël, là, c'est un des bons défenseurs midget 3. Puis il y a un hockey sense, une lecture du jeu tout simplement incroyable. Sa lecture du jeu, c'est de calibre de la Ligue nationale de hockey. Okay. On va travailler avec lui fort sur ses pieds, sa mobilité, mais avec la rondelle, il est très, très efficace, ne prend pas souvent de mauvaises décisions. OK. Keenan Mekasak, tu dis que c'est peut-être la carte cachée du repêchage, un défenseur d'Halifax, un style qui pourrait être un carrière. C'est ça que tu es d'accord avec ça? Oui. Oui, c'est un joueur qui aime monter avec la rondelle, faire des montées, produire offensivement, générer de l'attaque, une bonne progression aussi. Lui, ça devrait être peut-être prendre là, un petit peu plus long à s'ajuster au niveau, étant donné qu'il joue dans une ligue plus scolaire cette saison. Il était dans un prep school dans les Maritimes. Par contre, il est un des meilleurs joueurs là, des Maritimes, puis les équipes des Maritimes qui l'ont vu beaucoup à l'œuvre sont toutes sur la même longueur d'onde quant à son évaluation. C'est un défenseur qui pourrait devenir dominant. Okay. Le prep school dans les Maritimes, Serge Aymon me disait tantôt que c'était un petit peu plus faible que junior que la Ligue Midget 3. Jusqu'à quel point c'est plus faible? Parce que c'est une si grosse différence que ça? Non, c'est un petit peu plus fort que le midget espoir au Québec, okay. Moins fort en plus que le midget 3. c'est un joueur qui était quand même extrêmement dominant. Dans OK. Si on parlait maintenant des autres choix, est-ce que, là, on ne faut pas démentir sur tous les choix, là, mais y a-t-il un joueur que tu es fier d'avoir repêché dans les dernières rondes qui pourrait être une surprise et vraiment de tailler une place? Dans tous les joueurs, là, y a-t-il un joueur qui pourrait sortir du lot parmi tous les autres choix? Ben, il y a Nicolas Desgroseilliers qu'on a pris en septième ronde. OK. Pour nous, on était prêts à le prendre en deuxième ronde. Okay, monsieur? C'est un joueur qu'on a passé proche de prendre en deuxième ronde. Okay. On est allé avec un autre, heureusement, avec un autre attaquant. Puis, il a glissé un petit peu. C'est un joueur qui, de caractère, d'énergie. C'est pas le plus gros. Par contre, il a un excellent coup de patin. Gagné la Coupe du Ferrari là, dans le Midget 3 cette année. C'est un joueur qui a compté des gros buts pour son club dans les séries éliminatoires. Puis il devrait s'aligner avec nous là, dès le. OK. Donc, dans les trois premiers, c'était la glace olympique, évidemment. Krier, Fleming, Groslo et Mekesak. Est-ce qu'on devrait les voir les trois l'année prochaine avec les Sags? J'ose espérer. Ouais, okay. Le but qu'on les a repêchés, c'est pour les garder avec nous. Okay. Maintenant, il va falloir leur donner du temps de jeu de qualité, puis on va travailler. OK. Maintenant, si on parlait de Gabriel Paquin-Boudreau, est-ce que le fait qu'Alexandre Angers, vous avez quand même eu une bonne transaction pour Alexandre Angers, est-ce que ça a fait en sorte que ça a fait monter la valeur de Gabriel Paquin-Boudreau, puis c'est un petit peu pour ça que les équipes n'ont pas voulu vraiment échanger pour des choix repêchables, puis ça devait être ça que tu devais viser pour Gabriel Paquin-Boudreau? Non, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs okay. pour les joueurs de 20 ans. Okay. On en avait 6, il y en a 3 qui ont changé d'adresse. On avait des ententes pour ceux-ci. Nous, on avait dit les 3 premiers, ben on les échangerait. Les 3 qui avaient en retour une valeur qui était juste et équitable pour nous. Donc, on avait mis nos besoins sur table, puis on les avait donnés à tout le monde. Maintenant, à partir de là, ben, on était plus... pas plus gourmand, mais plus spécifique dans nos besoins une fois qu'il y a la transaction à Alex, à Anthony Gingras, puis à Carl Tremblay ont été effectués. Puis moi, ben, si j'ai pas de problème à garder. Si on parlait maintenant du repêchage européen qui s'en vient, apparemment que tu aurais déclaré que tu voulais 2 défenseurs européens. Là, avec toute la pleine défenseurs que tu as faite, est-ce que ton plan a changé en vue du repêchage européen? Ben, c'est certain qu'on en a repêché un. OK. Maintenant, pour l'autre, avec mon choix qui est 10e au Canada, je vais y aller avec le meilleur joueur disponible. Si on est capable d'aller chercher un joueur de premier trio pour jouer avec Nicolas Roy, on va le faire. Puis si c'est un défenseur, ben on va le prendre également. Sauf que on s'est enlevé une certaine pression ouais. quant au repêchage européen avec le dernier repêchage. OK. Ben Yannick Jean, gros merci. On va se reparler à l'ouverture du camp d'entraînement des Sags. Merci voilà, l'instructeur-chef Yannick Jean. Après la pause, on parle avec Serge Lemond du Journal Le Quotidien. Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas, là où on sait se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours excellente ou encore le dog Midas. Si vous voulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88-679-0900. La direction et le personnel du restaurant Midas souhaitent un bon 150e à la population de Saint-Félicien et les invite à participer en grand nombre aux différentes activités. On vient de parler avec Yannick Jean pour avoir ses commentaires. Là, maintenant, on va parler avec notre collaborateur des SAGS, Serge Gémont. Salut Serge! Oui, ça va très très bien. Serge, on se parlait jeudi, puis tu t'attendais à un grand ménage. Alexandre Angers est échangé. Gabriel Paquin-Boudreau est resté. Tu es surpris de voir qu'il n'y a pas plus de transactions que ça? Alors, il y a eu quand même aussi Carl Tremblay qui a échangé. Oui, Carl Tremblay, effectivement. Il y en a 2 qui ont été échangés. Qui reste dans les candidats de 20 ans que je m'attendais à ce qu'ils soient échangés, il reste Gabriel Paquin-Boudreau. Es-tu surpris? Oui, je m'attendais à ce que lui soit échangé en fin de semaine. Je pensais même que c'était avancé et que c'était une question de détail. Mais faut croire que les Saguenay n'ont pas obtenu le prix qu'ils voulaient avoir pour ce joueur-là. Puis ils vont commencer la saison avec, mais je serais très étonné qu'ils finissent la saison. Ben, ça va dépendre aussi de. Ça va dépendre aussi de. Il va faire monter les enchères probablement aussi, hein? Oui, puis tu sais, peut-être que la transaction qui a été faite pour Angers a eu un effet pervers à ce niveau-là là, pour les deux équipes, puis aussi pour les Saguenayens, parce que tu sais, les Saguenayens ont eu un gros prix pour Angers. Mmh. Fait que j'ai l'impression que ça a fait monter le prix pour l'ensemble des joueurs de 20 ans disponibles. Puis c'est peut-être pour ça que les équipes ont pas voulu s'avancer jusqu'à un gars comme Gabriel Poirier. OK, OK. Sa blessure, est-ce que tu penses que ça a peut-être mis des freins à plusieurs équipes aussi pour savoir s'il va revenir ou pas? Non, je crois pas, parce que ça, tu sais, c'est facile de voir si sa condition physique. Ouais. Avec, on l'a fait, je pense, avec... avec Rangers, avant de confirmer la transaction, il y a eu des examens médicaux qui ont été passés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Parce que Rangers a eu été blessé aussi l'année passée. À ce niveau-là, je pense que les équipes auraient pu s'arranger et s'assurer qu'il était correct. Donc, je pense pas que ça a vraiment été un problème. J'ai l'impression que c'est plus le prix demandé par les Saguenayens. Et puis, c'est sûr, le prix qui avait été chargé pour, qui a été payé pour Rangers, probablement, OK. Les trois défenseurs maintenant, trois défenseurs assez mobiles. Avec la grande glace du Saint Georges Vézina, il fallait s'attendre à ça. Donc c'est une priorité. Ouais, hein? C'est une priorité. Puis ça fait des années que ça devrait être le cas. Puis tu sais, on dit souvent un défenseur qui n'a pas des bons pieds sur une place comme ça, là, il paraît pas bien. Là. Fait que c'est sûr que les Saguenayens devaient mettre l'accent là-dessus, puis tu sais, ça fait longtemps que ça devrait être le cas. On a du coup Michelin Saguenay repêché trois gars mobiles qu'on nous dit. Ouais. Il reste à maintenant à voir comment ils vont se développer dans l'entourage de l'équipe. Pour espérer que la progression va être régulière et va être à l'image de ce que l'équipe attend. Si c'est le cas, ben, ça va être des bons choix. C'est la carte cachée, c'est de ce que ton collègue des 26 disait, Kylian Mekesac d'Halifax. Si tu peux dire de la carte cachée, on parle d'un lui comme un carrière. Ouais, c'est ça, mais je vais attendre d'avoir joué avant de m'énerver. Okay. Les joueurs du Midget 3 dans les maritimes, le niveau du Midget 3 dans les maritimes est généralement plus faible qu'au Québec. Comment il va se débrouiller, junior majeur, avec des gars de plus haut niveau, j'ai hâte de voir. C'est un gars qui a été bien coté, qui a fait les Jeux du Canada avec sa province l'hiver dernier. C'est un gars qu'on me dit qui est regardé en ce moment pour le camp d'entraînement de l'équipe du Canada des moins de 17 ans. C'est un gars qui a du talent, à ce qu'on nous raconte. Reste à voir maintenant comment ça va se concrétiser sur la glace au niveau du okay, okay. Est-ce qu'il va être capable de faire le saut? OK. Là, maintenant, c'est le repêchage du junior majeur qui est maintenant terminé. C'est le repêchage européen. Historiquement parlant, ça n'a pas été toujours une grande cuvée pour le repêchage européen. Jusqu'à quel point c'est important pour Yannick Jean d'aller chercher un bon joueur européen? Puisqu'il y en a eu des. Je pense que c'est Marek Sakrapan, notre dernier gros joueur des Sens. Christopher Gibson aussi. Christopher Gibson. Dans le temps de Marek, il y avait Gibson, mais dans le temps de Marek, il y avait aussi Stan Lachette qui était un excellent joueur au junior majeur. Il y a eu Christopher Gibson, effectivement, qui a été un bon européen pour les Saguenayens. Mais c'est toujours, en ce moment, ça ne peut plus marcher parce que tu ne peux plus repêcher de gardien de but européen. Okay. Pour les Saguenayens, pour Yannick Jean, il est primordial d'avoir pas un bon européen, mais deux bons européens. Les Saguenayens, on a besoin plus que jamais la saison prochaine. Il y a quelques semaines, Yannick Jean avait indiqué que son plan, c'était de sélectionner deux européens défenseurs. Okay. Avec tous les joueurs, tous les défenseurs qui ont repêché en fin de semaine, est-ce que le plan a changé? On peut penser que oui. Je n'ai pas reparlé à Yannick depuis samedi. Mais j'ai l'impression que là, tu sais, il y en a repêché cinq ou six des défenseurs en fin de semaine, dont les quatre premiers. Puis il y a dit clairement que les trois premiers choix de repêchage allaient jouer à Chicoutimi. Fait que déjà, t'as des trous de comblés. Il y a une couple de vétérans qui vont s'ajouter. Il reste moins de place en défensive maintenant, si tu veux faire jouer les joueurs, si tu veux leur donner de la distance. Okay. J'ai l'impression que c'est plus vraiment une priorité que ce soit deux défenseurs européens. Okay. Mais la priorité, c'est que ce soit deux joueurs de qualité qui soient en mesure d'aider l'équipe dès l'année. Parce que Gibson, ça remonte à quoi? Gibson, Zakrapan, on remonte à quoi? 2005, 2006, 2007 à peu près? Gibson, ça c'est il y a deux ans, trois ans. Il y a une longue carrière avec les Saguenayens. Ouais. La panne puis la chèque, ça remonte à plus longtemps que ça. Ça remonte au temps où David Dernier joue. C'est tellement de faire un bon des lignes. Tu sais, ça fait un bail que les Saguenayens n'ont pas eu un attaquant ou un défenseur dominant parmi les Européens. Mais tu sais, les Européens, c'est compliqué. Ouais. C'est un guess. Je suis pas d'identifier un joueur pour l'avoir deux mois plus tard. Il faut que tu l'identifies, il faut que tu le repêches, il faut que tu veuilles venir, il faut que tu réussisses à t'entendre avec sa fédération, ouais. avec son agent, avec ses parents. C'est compliqué, puis c'est dispendieux. On se cachera pas là, qu'avoir un bon Européen, là, il faut que tu dépenses. Ouais. Ça, c'est sûr. Ce que les Seigneurs vont faire cette année, j'ai hâte de voir. J'espère pour eux autres, parce que comme je te disais, ils en ont besoin. Serge, un gros merci. On se reparle. Passe un bel été. S'il ne se passe rien de spécial, on va se reparler à l'ouverture du camp d'entraînement, puis c'est ça. Voilà, donc le journaliste du journal quotidien, Serge Aymon.